et sa jambe de bois. Il vogue sur les mers avec son crochet et sa jambe de bois. C'est le roi des corsaires. Un bateau à l'horizon, l'équipage est sur le pont, hissé le pavillon noir. Un bateau à l'horizon, l'équipage est sur le pont et en route vers la victoire. Toute voile dehors, barre à tribord, faisons parler les canons. Toute voile dehors, barre à bâbord, pour l'envoyer par le fond. Et quand il crie à l'abordage, reste l'épave dans son sillage, il pille les pauvres voyageurs. Et quand il crie à l'abordage, reste l'épave dans son sillage, car les pirates sont des voleurs. Sa jambe de bois, il vogue sur les mers. Avec son crochet et sa jambe de bois, c'est le roi des corsaires. Ni les requins ni les sirènes ne font peur au capitaine, les tempêtes, les raz-de-marée. Ni les requins ni les sirènes ne font peur au capitaine, ils sont juste là pour l'amuser.